Alors là, on va accueillir Ulysse qui nous parle. C'est quoi ton titre du coup ? Les mots de l'enseignement. Qui va nous parler des mots de l'enseignement. Donc pour rappeler un petit peu le format, donc tu as à peu près 20 minutes de présentation et ensuite il y aura 40 minutes de débat avec tous ceux qui souhaitent prendre la parole sont les bienvenus. Et on a parlé de la bienveillance avant, donc on essaye d'être bienveillant envers tous ceux et toutes celles qui souhaitent s'exprimer. Oui. Donc c'est à toi. Bon, bonjour à tout le monde. Tout le monde peut rester, hein, même s'ils ne connaissent pas les problèmes. Mais les problèmes s'adressent à tout le monde. Donc, essayons d'approcher, disons, les thèmes, puisque nous sommes à EducPop, hein, éducation populaire, et qu'on m'a demandé d'intervenir sur ces sujets, je vais essayer de... Oui. Et Sébastien, si tu veux bien faire la distribution de ça, on va essayer. Voilà. Alors, l'éducation nationale, c'est parmi les problèmes et les causes de la crise actuelle, un des facteurs probablement les plus importants. Vous savez très bien que dans les programmes de M. Hollande, il y avait la priorité des priorités de l'éducation nationale. Disons déjà que la priorité des priorités, c'est une erreur. Hein. C'est prioritaire ou pas, c'est tout. Mais bon, il ne me semble pas que la réforme qu'ils ont faite soit une réforme plus importante que les autres, je dirais c'est au même niveau, c'est-à-dire des rustines qu'on essaye de mettre pour cacher les problèmes de fond. Il n'y a pas vraiment de réformes ni révolutionnaires ni tranquilles. C'est-à-dire ce sont des actions illusoires. Bon. Et Sébastien, il est où Sébastien? Tout a été distribué. Alors, je crois que je vais essayer d'être le plus précis et le plus clair possible, mais il me semble qu'avant de parler d'éducation, il faudrait arriver, avec un petit effort, c'est pas difficile, à comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Hein? C'est fondamental, n'importe quel sujet on traite, avant de traiter les sujets, il faudrait traiter les termes qu'on va utiliser dans les sujets pour pouvoir avancer tous ensemble. Parce que autrement, moi je parle pour rien et vous écoutez pour rien et ça c'est grave. Hein? De ma part, je ne dis pas de la vôtre parce qu'il y a une relation entre vous et moi. Hein? J'étais ancien professeur et donc je connais un peu les problèmes. J'ai enseigné une dizaine d'années en ZEP. Hein? Et non pas par obligation, hein? Mais par choix. Bon, alors vous avez tous la même feuille que moi. Et on va commencer. Alors, les mots de l'enseignement. Les premiers mots de l'enseignement, c'est la pédagogie. Pédagogie peut être une science, même une science toujours plus exacte. À mon avis, c'est une science humaine, non pas une science exacte. Et les mots viennent des Grecs anciens. Pour comprendre ces mots, qui n'est pas si compliqué que ça, pensez à un autre mot, démagogie. Hein? Donc, à partir de démagogie, pédagogie, paidos en grec, c'est l'enfant. Donc, c'est clair, démagogie, c'est quand les peuples gouvernent, mais ce n'est pas la démocratie. La démagogie, c'est le populisme, ce n'est pas la démocratie. Hein. Mais vous comprenez bien les mots démagogie, et donc vous pouvez comprendre aussi les mots pédagogie. Voilà, l'enfant et gogia, c'est le verbe conduire. La démagogie conduit les peuples et la pédagogie conduit l'enfant. Ça, c'est le début. Pour pouvoir parler d'enseignement, il faut tenir ça présent à l'esprit. Après, nous allons parler d'éducation. Hein? Donc, vous parlez d'éducation, nous prenons les termes éduquer. Éduquer du latin, c'est conduire vers le haut. Et c'est l'origine, hein? Et donc c'est conduire, conduire vers le haut, l'éducation. Hein? Donc, du mot éducation peut passer à élever. Élever, ça fait aussi passer à élevage, mais qu'on réserve plutôt aux animaux. Mais c'est très, voir que ça comme aspect, c'est une erreur, puisque les élèves sont bien élevés, hein? Ce sont pas exactement les animaux, hein? Mais ce sont quand même des êtres aimés, comme l'être humain, qui n'est pas seulement humain, comme on dit, l'humain, hein? Mais il semble plus juste de dire l'être humain qui englobe tous les hommes, hein? Et pas un adjectif détourné. Bon, donc, élever, c'est aider à croître, c'est-à-dire l'éleveur, hein, qui devrait être synonyme d'enseignant et professeur, hein, l'éleveur soigne probablement son bétail beaucoup mieux que les pauvres enseignants, les pauvres professeurs, avec l'épée des bagages qu'on leur a fournis, hein, même les ont abîmés, autant que les élèves, hein. Voilà où nous en sommes, pour comprendre la situation. Hein. C'est-à-dire, déjà, dans les termes, on a dévié, hein, on a détourné, hein, et l'éducation nationale confirme cette attitude. On continue. Bon, alors, l'élève, c'est celui qu'il faut aider à grandir. Hein. Il faut l'aider à monter du bas, comme la semence dans la terre. Hein. Les cultivateurs, c'est les éleveurs des plantes. La plante est sous la terre avant, quand elle est tout petite, la semence, disons, et après, grâce au travail de l'éleveur, du cultivateur, elle sort de la terre et elle monte. Voilà, grandir, c'est croître, hein, jusqu'au moment où elle donnera des fruits. Hein. Mais là, mes enfants, excusez-moi de vous appeler mes enfants, hein, pour donner des fruits, ça va être dur, parce qu'ils vous ont mis plutôt en situation de végéter, hein, mais pas de produire, hein, de produire dans l'esprit, pas dans la banque, pas dans la bourse, pas dans l'industrie, hein, pas dans la richesse, hein, mais ils vous ont levé et réduite les armes pour progredire, pour avancer. Bon, allora là on passe au but de la pédagogie et l'éducation. Allora, les intervenants sont deux, hein. L'adulte du latin, c'est celui qui est capable, qui est compétent, qui est adulte, c'est-à-dire qui est dans l'âge de la majorité, disons. Hein. Au bac, on estime que sorti du bac, vous êtes des adultes, et donc que vous pouvez enseigner, hein, à vos enfants d'abord. Hein. C'est essentiel, mais je me demande si moi-même, à la sortie du bac, si j'étais vraiment adulte, hein, capable d'assurer les pains. Hein. Et pas seulement les pains, les toits, etc. Voilà. Bon, alors l'éducation nationale, elle est bien gentille, elle coûte très très cher, hein? Elle coûte jamais assez cher, on leur donne toujours plus de moyens pour acheter des ordinateurs, hein? Et faire tourner la boutique, voilà, et on n'arrive pas à avancer. Hein? Il semblerait que les niveaux français, de l'enseignement français, soit plutôt en déclin, hein, et qui est passé des premières places dans des sondages objectifs, puisque c'est dans les différents pays, plutôt vers les bas. Hein. Pas à dernière place, heureusement, mais quand même. Hein. Et j'ai pas l'impression que la reprise sera pour demain. Hein. Et ça, c'est fondamental pour tout le monde. Tout le monde. Hein. Quand j'ai dit les termes de l'éducation, de la pédagogie, il faut compléter avec l'action, la conclusion de cette présentation. La conclusion est l'action pédagogique est les devoirs de l'adulte. Les devoirs de l'adulte. C'est ce que l'homme a fait depuis toujours. Le père a toujours enseigné à son enfant. La mère aussi, ensemble. Et les grands-pères aussi, les grands-parents aussi. Hein? Là, il y a un problème de fond. Et c'est un devoir. Ce n'est pas un choix. Il n'y aurait pas de société s'il n'y avait pas cette prise en charge. Et d'autre part, qu'est-ce que vous voulez faire d'un nourrisson qui ne sait pas parler, ne sait pas regarder, faire la distinction, a tout à apprendre, et il a une grosse envie d'apprendre. et on ne lui donne pas ce qui peut nourrir son apprentissage, qui peut l'aider à penser, à parler d'abord et à penser ensuite. Bon, et après il y a l'éducation et les droits de l'enfant. L'enfant y a droit, et chaque adulte, pas seulement dans l'école, mais aussi n'importe où, dans la rue, au cinéma, hein, au travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle la relation sociale. En société, l'adulte, il se doit, au fur et à mesure qu'il vieillit, hein, d'avoir un rôle de pédagogue. Et le pédagogue, ce n'est pas celui qui assomme des vérités. Le pédagogue, c'est celui qui demande à celui qui l'écoute, dis-moi de quoi tu as besoin, que je vais voir si je peux. C'est son devoir de voir, de vérifier. La société qui maintenant semble cette main unie, on va s'écouter, s'entendre toujours moins, parce que des malheureux, je les appelle des malheureux les capitalistes, ils n'ont rien compris, les pauvres. Rien. Hein? Ils poussent sur l'informatique, ils poussent sur l'automate, ils poussent sur la distruction du travail. À chaque instant, ils dépensent des sommes énormes. Et pas seulement aux États-Unis, partout. Mais qu'est-ce que c'est le travail si ce n'est pas la vie? Dans certaines constitutions, il y a écrit, démocrate, en Europe, la démocratie en telle, je parle pour la démocratie italienne, c'est une démocratie fondée sur le travail. Le travail, c'est un droit. Mais si vous ne pouvez pas avoir ce droit, si vous ne pouvez pas le satisfaire, à quoi ça sert, hein? Là, je m'éloigne un peu du sujet. Mais c'est fondamental parce que l'éducation et le travail, et effectivement, c'est là que l'éducation nationale vous a eu, pour ne pas utiliser un terme plus fort, hein? Les syndicats aussi. Hein? Alors là, j'ai les attaques, je m'excuse, parce qu'il n'y a pas quelqu'un du syndicat qui est présent, hein? Du syndicat de l'école. Mais je vois que ça vous intéresse et vous écoutez bien. Et alors, écoutez, comme j'ai fait la dernière fois, hein, j'ai élargi un peu le débat, hein, sur quelque chose de plus concret que l'éducation. Hein? Voyons un peu, puisque tout est lié. Dans la société, nous sommes tous liés entre nous. Et les concepts, les règles, la morale dont on ne peut pas parler parce que c'est dangereux, etc., tout est lié. Donc, revenons à ces problèmes de l'école, du point de vue du travail, du point de vue des syndicats. Les syndicats sont présents dans toutes les activités que nous avons. C'est rare qu'il y ait des activités sans syndicats. Quel était les syndicats à l'école? Comment? Les syndicats communistes, bien sûr. Oui, mais il y a le syndicat des ouvriers, il y a le syndicat des enseignants, hein, il y a le syndicat des parents des élèves. Hein, ils ne sont pas tous communistes. Il y en a des communistes et il y en a des droites. Les syndicats, ils sont très éparpillés. Mais restons dans l'école. Alors, les syndicats, ils avaient une obligation avant tout. C'est celle de garder le pouvoir des syndicats. Donc il devait satisfaire la demande des parents, la demande des enseignants, la demande des électeurs, la demande de l'État, des ministres, des électeurs et tout, et ils ont demandé d'obtenir des privilèges. Depuis quand l'éducation justifie des privilèges? Hein? Bon, les privilèges, c'est le droit aux vacances, bien sûr qu'il faut prendre du repos, hein? Mais on nous assomme avec les vacances, avec le repos. On ferme les musées le dimanche et on ouvre les centres commerciaux. Voilà le repos. Hein? Il faut le faire. Donc revenons un peu à la réalité. Qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Les enfants qu'on devrait aider à croître, à grandir. Hein? Ils abandonnent les enfants à l'économie. Comme ils font les syndicats à laisser les enfants dans les mains de l'économie? Tout simplement en augmentant les disciplines enseignées. Ça c'est un point déjà. Puisque ça leur permet de satisfaire les enseignants et les gouvernements, plus d'enseignants, moins de chômeurs. Voilà. Et alors, plus d'enseignants, ça veut dire aussi plus de discipline. En certains moments, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans les collèges, on enseigne 14 disciplines dans des classes de 25 élèves. Voilà, c'est ça la réalité. Et dans le conseil des classes, j'ai signalé à mes collègues, si vous continuez comme ça, sur les listings faits déjà à 3 en largeur, il n'y aura plus la place pour les élèves. Voilà. Comme ils ont continué à détruire l'éducation, hein, ils ont dit il faut les divasir, il faut des matières plus modernes, plus actuelles, la musique, formidable, magnifique, hein, les dessins, magnifique, etc. Hein. Mais pour satisfaire l'enseignant, il fallait qu'il ait le droit de noter. Et noter, ça veut dire participer à la moyenne. Hein. Et voilà que les maths ou la moyenne inférieure à 5 sur 20 au collège, inférieure à 5 sur 20, grâce aux excellents 2 ou 3 élèves sur 25 qui s'en sortent avec 18, et les autres, tant pis, de toute façon, on l'amènera jusqu'au bac, que les familles soient tranquilles, on ne laissera pas tomber, au bac après, tant pis, pourri. Voilà. Donc, là aussi, au lieu de faire des disciplines de récréation importantes pour que l'esprit se repose, pour que les corps respirent, pour que les élèves ouvrent sa pensée, ouvrent sa conscience à d'autres choses qu'à l'enseignement pur. Là aussi, ils sont arrivés à transformer. Mais cela ne suffisait pas. Ils ont chargé l'école, les collèges, à tel point qu'à un certain moment, ils explosaient les élèves. 14 disciplines. Et pas seulement, c'est comme à l'université, les pauvres. Il faut qu'ils se déplacent, qu'ils aillent dans la salle d'enseignement du professeur. Du professeur. Et là, j'ai fait une petite parenthèse, parce que désormais, il y a plus beaucoup de gens qui disent professeur. On dit prof. À la radio, dans les journaux, c'est prof. J'ai toujours réfugié comme appelle prof. Parce qu'allora, aux journalistes, je l'appellerai monsieur Journe. Hein? Les journalistes, c'est Journe. Hein? Prof de quoi? Hein? Déjà professeur me dérange. Puisque professeur, il professe. On professe une foi, non une discipline. Bon, et voilà. Allora, puisqu'ils explosent les professeurs et les élèves, les pauvres, on leur donne des vacances, beaucoup de vacances, magnifiques, parce qu'ils satisfait les gouvernements, puisqu'ils vont développer beaucoup l'industrie touristique. Et voilà, moins de chômeurs. Les chômeurs sortiront au bac. Voilà, c'est la jeunesse qui sont sacrifiés sur l'autel de l'économie. Et ça, personne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent et qui le pensent. Mais c'est ici que je voudrais rencontrer ces gens. On ne peut pas rester comme ça, à mettre des rustines. À un certain moment, il faudrait changer les vélos. Voilà. Bon. Je trouve cela dramatique. La jeunesse, notre jeunesse, nos enfants, les enfants des enfants. Hein? Et alors je retourne au social. Qu'est-ce qu'ils font avec des sciences? Qu'est-ce qu'il fait l'automatisme, toujours plus développé? Hein? On massacre les travails, c'est-à-dire on vous coupe, on vous retire le pain de la bouche, mais pas seulement le pain en semoule farine. Hein? Mais aussi les peines de l'esprit, disons. Puisque dans les travail, dans les lieux de travail, vous rencontrez des gens, vous vivez au quotidien, hein, vous établissez des relations, des liens, et ces liens, c'est les liens qui font les ciments de la société. Et la société va à la déroute, pas pour tout le monde, ça, bien sûr, pour ces pauvres, ce que j'appelle les pauvres. J'ai 60 ans, imbéciles, mais des imbéciles sont pauvres, ils sont pas riches. Dans ce sens-là, nous sommes plus riches. Mais il faut se réveiller. Je vais bien la nuit debout. Mais sachez aussi, vous réveillez le jour. Et peut-être, c'est bien de commencer à 14h l'après-midi et terminer à minuit. La bombance, comment dire. La fête, d'accord. Mais ouvrez les oreilles et les yeux. Bon, allora, pas fini con cette distorsion. mais tant qu'on puisse revenir et corriger le système. Hein, comme vous pouvez réduire les vacances, parce que les vacances cassent le rythme de l'école, du lycée, des cours primaires. Et quand vous cassez le rythme, vous cassez le rythme de la société, vous cassez le rythme de l'individu. Hein, les pauvres écoliers qui ont 14 disciplines, hein, on les oblige, comme à l'université. Mais à l'université, vous ne faites pas 14 disciplines en première année, même pas en deuxième, même pas en troisième. Vous les oblige à se déplacer avec l'air cartable, lourde, d'une salle à une autre. Voilà. C'est déshumé, c'est criminel. Je ne dis pas qu'il faut mettre en prison. Les pauvres ne sont pas responsables. Ça fait depuis plus de 80 ans. Hein. Et là, je vous donne un document que je vous prie de lire. Et qui est-ce les... Voilà, je te le donne, comme ça tu peux faire la distribution. Alors, avant que vous arrivez les documents, c'est un document que j'ai retrouvé, que j'ai reçu même d'un professeur de la Sorbonne, il me semble Sorbonne 3, si je ne me trompe pas, Sancier, où je suivais à l'âge de 57 ans des cours de français, parce que je suis étranger, et donc je suis tombé sur un jeune enseignant, très bien coté, bien que jeune, dans la fac. Hein, voilà, la fac au lieu des facultés, ça fait beau. Hein, la fac, bon. Le respect des autres. Et qui m'avait donné ces documents, que vous l'avez donné à tous les autres, pour qu'on les commente. Hein, et nous allons les lire ensemble. Oui. Oui, oui, oui, ça fait partie, même si c'est double. Ça fait partie. Ouh là là. Voilà. Alors, puisque continue la distribution, je termine sur la gravité de la mancanza de rythme, parce qu'il est désormais impossible de renoncer aux vacances d'hiver, de Pâques, et du mois de novembre, avant Noël, après Noël et avant la fin de l'année. Parce qu'avec toute l'industrie qu'ils ont organisée, les stations de ski, hein, les campings et tout le reste, c'est impossible de revenir en arrière. Mais disons avec un peu d'intelligence, un peu de créativité, un peu de bonne volonté, hein, l'homme arrive toujours, l'être humain, il arrive toujours à s'en sortir. Bon. Est-ce qu'il reste une copie pour moi, Sébastien? Une copie pour moi? Celle-là, mais tu n'avais pas eu la fois d'avant? Tu n'avais pas eu la fois d'avant, tu n'étais pas là peut-être. Oui. Alors. Allons-y. Il s'agit d'un académicien. Il avait son fauteuil à la Comédie Française, hein, qui est très peu connu aujourd'hui, puisqu'il ne suivait sûrement pas les courants. Notez que c'est en 1935, c'est-à-dire avant la dernière guerre. Allora, je n'hésite jamais à déclarer le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. Le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. C'est un académicien qui le dit, c'est pas moi. Voilà, et on continue. Plus les diplômes ont pris d'importance dans la vie, et cette importance n'a fait que croître à cause des circonstances économiques. Voilà, il y a 80 ans, là nous sommes confrontés à une prophétie. Hein? Une prophétie que ce n'était pas un prophète, celui qui l'a donné. C'est un homme comme les autres qui essayait de faire du bien et non pas du mal. Bon. Mauvais par ses effets sur l'esprit public et sur l'esprit tout court. Hein? Tout le monde est victime du diplôme. Mauvais par tous les stratagèmes et les subterfuges qu'il suggère, les raccommandations, les préparations stratégiques, et en somme l'emploi de tout expédient pour franchir les selles redoutables. C'est là, il faut l'avouer, une étrange et détestable initiation à la ville intellectuelle et civique. Vous voyez bien que l'éducation fait partie de la vie quotidienne, fait partie de la société. Et quand on s'attaque à l'éducation, on fait tort à tout le monde, da n'importe quel niveau. C'est pour cela que dans les campagnes présidentielles, il y a mis en tête la jeunesse prioritaire, même la priorité des priorités. Il faut le dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire prioritaire, monsieur le président. Après, il va falloir passer au débat. Au débat, d'accord. Bon, alors écoutez, on m'accélère et je comprends. On verra la prochaine fois la cause principale de cette déroute. J'ai fait des recherches, mais j'ai déniché les responsables. Celui-là, il n'est pas responsable. Mais il y en a d'autres. Le futurisme, il y en a d'autres. L'adjectif amoral, il y en a d'autres qui ont fait la destruction de notre tissu social et intellectuel. Bon, mais allons à la dernière phrase. Il en résulte que plus rien dans cette culture altérée ne peut aider ni convenir à la vie d'un esprit qui se développe. Voilà, qui se développe. C'est-à-dire, depuis 80 ans, il y avait tous les ingrédients pour arriver à la crise actuelle. À la crise aussi économique, parce que le détournement du concept économique, et j'ai pas eu le temps de vous dire la différence entre économie et écologie, mais on y reviendra, parce que vous reviendrez. Et si vous reviendrez, je serai là. Merci beaucoup. Donc on va passer au débat. Est-ce que certaines personnes souhaitent discuter ce qui a été dit ou poser des questions ? Moi j'aurais aimé savoir, monsieur, si vous savez s'il y a eu le niveau des élèves d'une manière générale a baissé, par exemple au collège ou au lycée, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sondages qui prennent ça en compte le au niveau de comment les élèves s'expriment et comment ils écrivent ? Bon, qui est-ce qui a posé la question? C'est très bien. Quel est ton prénom? Jérôme. Jérôme, j'avais même noté ton prénom. Bon, Jérôme, alors, quand vous faites les questions, présentez-vous, hein, puisque autrement, je ne vais pas vous répondre. Et ma méthode, si on peut appeler ça une méthode, une fois posé la question, je vous demanderai, si je l'oublie, vous devez me le demander, est-ce que vous êtes satisfait de ma réponse? Parce que répondre c'est facile, on dit n'importe quoi souvent, parce qu'il faut faire vite, on est pressé la vitesse, on verra ça. Bon, alors, il n'y a pas eu seulement des enquêtes, des sondages au niveau européen, et la France et l'Italie et l'Espagne sont tous rappelés à l'ordre. On nous conseille d'aller un peu plus vers le nord, voilà, un peu plus vers le haut, parce que là, l'Europe, en particulier les pays latins, disons, sont en train de descendre tout doucement. C'est pour cela d'ailleurs qu'on supprime les Grecs et les Latins. Voyons, ça fait résistance, résilience comme on dit, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais le peuple, lui, il peut tranquillement descendre, pendant que d'autres, les pauvres, ils peuvent tranquillement monter. Bon, donc, vous allez sur Internet, cet instrument formidable de culture, et vous allez renseigner, vous aurez tous les résultats, tous les gradatoires, les classifications. Et c'est sûr que quand j'ai commencé à enseigner, il y a une dizaine d'années, avant je faisais toute autre chose, quand j'ai commencé à enseigner, on disait que les lycées, il y avait des difficultés. Les ZEP, là où j'enseignais, effectivement, on avait des problèmes à enseigner. Parce que les enfants, c'est-à-dire les 15-18 ans, hein, ils ne se laissaient pas faire. Et ils faisaient bien de se défendre. Parce qu'on les massacrait. Les massacrait avec la nuit en classe. Les pauvres ne sont pas fautifs, les enseignants. Ils ont reçu les mêmes peines, la même nourriture, hein, depuis 80 ans. Hein. Donc, ce sont tous la nouvelle génération. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Je ne me souviens plus. Hein? Le niveau des élèves. Oui, le niveau des élèves. Donc, est en train de dégrader du lycée et passer au collège. Les collégiens. Hein? Ils ont dit qu'il faut réformer les rythmes. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils l'ont dit. Ils ont donc satisfait la promesse. Puisqu'on parlait. L'élémentaire, là, c'est le désastre. Hein? C'est le désastre. Et je vous assure que j'ai enseigné aussi aux élémentaires. Et c'est là que j'ai eu le plus de grande joie. C'est incroyable. La soif qu'ils ont. Ils sont là, ils vous écoutent. Et vous pouvez leur enseigner n'importe quoi. Et malheureusement, grâce au rectorat, on enseigne n'importe quoi. Hein? Moi, professeur enseignant de langue étrangère, quand l'inspectrice de Créteil m'a demandé si je pouvais enseigner, j'ai enseigné au collège à Bagnolet, si je pouvais enseigner aussi au primaire, j'ai dit, mais je suis contre, madame, contre l'enseignement des langues. Elle m'a dit, mais oui, mais seulement on nous le demande, on doit le faire. C'est dans les règlements, c'est dans les lois, il y a le décret, s'il vous plaît, allez-y. Et j'y suis allé. Et je vous assure, ils ont appris quelque chose, pas parce que c'était moi, mais parce que peut-être j'avais trouvé de quoi les gagner leur attention. Bon, mais bref, ces collèges, les cours primaires, est déjà maltraité. J'attends les désastres dans la maternelle. La maternelle. On enseigne l'anglais à la maternelle. Et ils essaient d'enseigner au primaire des langues, parce que les langues ça rapporte. Et voilà, les syndicats reviennent à la rigousse. Hein? Qu'est-ce qu'il fait pour satisfaire les lettères? Hein? Les parents ont un seul rêve, que leurs enfants avancent le plus vite possible. Hein? Et surtout qu'ils ne fassent pas les mêmes métiers qu'eux. Et donc il faut nourrir l'économie. On a besoin des gens qui parlent plusieurs langues, même si à niveau intelligence, hein, comme dit Paul Valéry, qui a écrit cette œuvre dans les bilans de l'intelligence. Mais d'après les textes que je vous ai lus, je dirais que c'est plutôt les déclins de l'intelligence. Bon, donc là, je pense avoir répondu au sujet de du déclin de l'éducation dans tous les sens. Alors, allons-y avec la deuxième question, et vous pouvez même les autres. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui. Bonjour, je m'appelle Nassim, et franchement, les études, je suis d'accord que c'est pour nourrir un pays, mais quand on fait des études, c'est pas pour servir l'économie d'un pays, en fait. C'est surtout pour... je sais pas, c'est surtout pour s'ouvrir, c'est pour s'ouvrir aux autres et découvrir peut-être ses passions, son talent, peut-être son talent caché et tout. Et vu qu'on n'est pas comme tout le monde, bah, je trouve que les langues c'est bien, mais pas en élémentaire. À partir de la primaire, c'est bien. Parce qu'en élémentaire, c'est bien, on découvre plein de choses à la fois. Je sais pas, par exemple jouer, faire des jeux de société, les nombres, les chiffres. On apprend plein de choses et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'éveille. Et je trouve que tout ce qui est langue, c'est surtout à partir du primaire qu'il faut leur mettre. Et sinon, c'était juste ça. Vous voulez qu'on en prenne d'autres? Je sais pas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais simplement dire que moi, pour le coup, j'ai pas du tout la même vision des études. J'ai subi du harcèlement scolaire. J'ai grandi en cité Voilà, et du coup, les diplômes, c'est accessible seulement à des gens. Enfin, ça rejoint exactement, ma pensée rejoint exactement ce que vous dites. C'est, enfin, est en concordance avec ce que vous dites, parce que vraiment, je trouve que les études et les diplômes et la façon dont on explique ce que c'est les études aux enfants, enfin, ça veut dire on nous demande d'étudier un programme déjà fait, alors que étudier, c'est pas ça. C'est découvrir par soi-même, analyser par soi-même, enfin, et à l'aide de nos parents. Alors, peut-être que j'ai fait une réponse générale, et je reviens dans ma feuille du programme, je n'ai pas précisé, mais il faudrait effectivement préciser les buts de l'enseignement. Les buts réels de l'enseignement, je vous pose la question, vous me dites si j'ai faux. En principe, tout le monde vous dira transmission du savoir. Ça fait riche, ça fait beau, ça fait magnifique. Eh bien, je vous dis non. L'objectif de l'éducation n'est pas l'enseignement du savoir, mais du savoir-faire. C'est le faire qui compte, et non pas les savoirs. Les savoirs, s'il n'y a pas le savoir-faire, ça vaut rien. Et voilà. Et ça, je vous le donne, les savoirs. Internet, Wikipédia, est plein. Mais si vous ne savez pas lire et critiquer, l'objectif est préparer les citoyens à contester s'il le faut. Et il contestera, et ce sera son droit. Et ce sera son droit s'il contestera. A raison. Il sera mal éduqué s'il contestera à tort. Il ne s'agit pas là de faire la différence entre le bien et le mal. C'est entre savoir se conduire dans la vie, savoir résoudre les problèmes. Quand vous sortez du bac, vous avez une maturité sexuelle énorme. Mais je vous demande, est-ce que vous êtes capable de résoudre votre problème quotidien, que c'est votre avenir? On vous le nie. On voulait l'avenir. Et ça, c'est déshumain. C'est criminel. Il ne suffit pas de dire on va faire ceci, on va faire cela. Soyez plus modestes. Essayez de comprendre que le nourrisson a besoin du lait. Non pas de la poudre. Voilà. Alors, si j'ai répondu à certaines questions et d'autres pas encore, j'ai encore 5 minutes pour vous et je vous les donne volontiers. Voilà. Je vous redis les autres questions. Il y avait la question donc de l'accès au diplôme pour tous, et puis du manque de pratique dans l'enseignement en France, parce qu'il y a surtout de la théorie. C'est très bien, très bien, très bonne question, comme ils disent les interviewés, les députés et autres. Très bonne question, très bonne question. Bon, alors pour les diplômes, qu'ils soient ouverts à tout le monde, que l'éducation nationale aille progresser. Et ça a progressé depuis l'autre siècle, disons le 19e siècle, puisqu'a ouvert l'école à tout le monde. L'école obbligatoire est magnifique. C'est comme dire qu'on donne di mangiare à tout le monde. Mais voilà, c'est proprio imbécile. Et les syndicats avec. Ils ont décidé que si c'est pour tout le monde, la soupe populaire doit souffrir. Voilà, l'école, il faut qu'il baisse son niveau. Parce que les examens, les diplômes, les passages d'un niveau à un autre, c'est trop difficile. Et alors voilà les élèves, les conseils de classe, les associations des parents d'élèves, les pauvres, ils sont pour rien, ils font leurs devoirs, ils essayent de préparer un meilleur avenir. Eh bien, ils se font avoir. Voilà. On se fait avoir. Voilà. Donc, vous comprenez que les diplômes, moi je les pratiquais. J'ai préparé des élèves des ZEP, des lycéens, pour passer leur bac. Ils l'ont passé bien. Mais qu'est-ce que c'était? Il s'agissait d'apprendre les tests par cœur et les commentaires par cœur. C'est tout. À partir du deuxième trimestre, s'ils avaient de la bonne volonté. Voilà. Tout a été falsifié. Tout. Et quelqu'un nous l'a dit. Quelqu'un nous l'a dit. Ils n'ont pas écouté puisque... Il allait contre-courant. Voilà. Bon, il y a l'autre question. Alors, il manque des pratiques. Écoutez, il n'y a qu'une solution, à mon avis, c'est très simple. Puisque les enseignants ont donné des chiffres en baisse au chômage du moment qu'on a ouvert, c'est-à-dire au lieu de passer par les concours, on a accepté que des gens comme moi, qui n'étaient pas professionnels ni professeurs, ont accédé, parce que j'ai raté mes concours, à l'enseignement par une autre voie, c'est-à-dire en allant les présenter au rectorat, et qui m'a dit, mais monsieur, il n'y a rien pour vous. Hein. Et j'ai dit, mais vous prenez mon dossier. Il a pris mon dossier. Le lendemain matin, le lendemain, hein, la proviseure de Paulbert, hein, à Montparnasse, m'a appelé. Elle m'a dit, quand je suis arrivé en classe, monsieur, on sait que vous avez raté tous vos concours. Hein. Elle m'a ouvert les bras. Elle m'a dit, on a besoin de vous. Pouvez-vous commencer demain matin? J'ai dit, non, merci. Non, merci. Après demain, oui, mais pas demain matin. Il faut que je puisse prendre connaissance des classes, hein, des trombinoscopes, que je puisse les connaître avant de les connaître. Voilà. On vous massacre. Les professeurs sont massacrés. Ils ont inventé l'UFM. Hein. Oui, pour les mandarins. Hein. Pour les blancs. La première chose qu'on doit faire, quelqu'un qui sort du bac et qui veut apprendre à enseigner, c'est s'inscrire déjà à lettres ou à une autre discipline. Mais commencer déjà à pratiquer l'enseignement. Tout de suite, personne ne l'interdit. Je l'ai pratiqué avec un succès énorme. Et aux élémentaires, quand la maîtresse disait, bon, c'est l'heure de la langue, écoutez, classe en deux, vous en prenez à moitié, et moi je vais tranquille à me reposer avec l'autre. Je dis, non, ça ne marche pas ça. Vous restez en classe et vous prenez des notes. Je parle la langue étrangère, je ne dirai pas un mot de français. Voilà. Et donc, ceux qui veulent apprendre, ils doivent apprendre en classe. L'apprentissage se fait sur les terrains. Et vous en empêchez avec la fausse idée qu'il fallait pas retourner au 19e siècle et exploiter la jeunesse. En fournissant l'apprentissage. Depuis toujours, en Allemagne, on pratique l'apprentissage. Et le père transmet son travail aux enfants. Comment ? Voilà. Absolument, mais non. Mais ici, plutôt, et pas seulement ici, on fait les questionnaires pour passer l'examen à réponse multiple. Des petits croix. Les savoir réduits à une petite croix dans une case. Voilà, je ne veux pas vous prendre trop de temps, peut-être que j'ai passé. Et j'espère qu'on puisse prendre rendez-vous pour une autre fois. J'ai beaucoup de choses à dire et c'est un plaisir pour moi d'avoir vos oreilles. Alors, je vous dis au revoir, mais d'abord, je vous remercie de m'avoir donné la parole, mais attention, dans les mots donner, il y a don. Et les dons, faites attention, on ne peut pas les déprendre. Alors, moi, je vous les rends quand même, mais merci de vos oreilles, gardez-les et soyez à l'écoute. Même si la nuit est debout, les matins, il faut être en éveil. Voilà. Merci. Je suis d'accord, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord. Alors, j'ai une dernière question, et si vous êtes d'accord, donc vous êtes d'accord. Vous avez parlé des vacances, je n'ai pas très bien compris en fait, si ce que vous disiez, c'était de réduire les vacances ou pas, je n'ai pas trop compris. Bon, écoutez, alors, le rythme scolaire est fondamental parce que le rythme est fondamental dans la vie. Mais pas dans la vie de la société actuelle, dans la vie de toujours, toujours, et pas seulement dans la vie, comme on entend pour lui, c'est même dans la nature, c'est même dans l'univers, ça les rythme, tout se casse, tout. Il n'y aurait pas de société. Je me demande même s'il y aura du cosmos, parce que le chaos, on en parlera une autre fois. Donc, j'ai dit qu'il ne faut pas supprimer brutalement les vacances. J'ai une expérience d'entreprise. J'étais dirigeant dans une entreprise d'une centaine à moyen des salariés. Et quand je suis à cette position, la première chose que j'ai fait, c'est un sondage. Un sondage qui ne portait pas grand-chose à la société. À l'époque, il n'y avait pas encore les 35 heures. Je demandais, est-ce que si nous améliorons la production, serez-vous d'accord pour travailler moins? Voilà. La réponse a été, évidemment, oui. Alors, je les ai convoqués un par un pour voir qu'est-ce qu'elle contenait cette réponse. Ils m'ont dit, on voudrait travailler si possible 4 jours sur 7. Voilà. 4 jours sur 7 pour pouvoir se reposer 3 jours. Et j'ai pas marché. je ne regrette pas, parce que pour moi, le rythme, c'est le rythme quotidien. On peut se reposer sur les saisons, pourquoi pas, hein? On peut se reposer les dimanches, et ce n'est pas parce qu'elle est religieuse le dimanche. Hein? On peut se reposer les dimanches parce que, figurez-vous, hein, que la Lune a établi les cycles. Hein? Ce n'est pas le christianisme qui a fait les cycles. Les cycles, c'est la Lune qui l'a fait. Donc le dimanche, c'est bien choisi. Hein? Voilà, ça fait 7. 7 par 4, ça fait 28. C'est les cycles. Hein? Et les cycles même de la nature. Voilà. On peut aussi prendre les samedis, pourquoi pas, 2 jours sur 7. C'est bon. Hein? Ça ne casse pas les rythmes complètement. Mais avec 3 jours, vous êtes déjà en défaut. Et 4, n'en parlons pas. Oui. Personnellement, je pense qu'il faudrait que les gens finissent le travail plus tôt le soir. En Norvège, dans les autres pays du Nord, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on considère que les gens, il faut quand même aussi un respect de la vie privée. À partir du moment où on respecte la vie privée, ils finissent à 17h, je crois, en Norvège. Eh bien, les gens travaillent beaucoup mieux et sont beaucoup mieux rentables, puisque c'est le mot actuel, dans la journée. Parce qu'à 17h, ils savent qu'ils ont fini, ils sont tranquilles, ils ont le temps de s'occuper de leurs enfants, de faire le repas tranquillement. Maintenant, il n'y a plus d'heures. Hein. Les gens, aux États-Unis, les gens travaillent jusqu'à 2h du matin. Les coiffeurs, ils travaillent jusqu'à 2h du matin. En France, c'est pas mieux. Vous avez les pharmacies qui ferment à 20h30, 21h, voire 22h. C'est du n'importe quoi. Je pense que le problème est là. Hein. Vous avez dit des mots extrêmement sages, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Effectivement, en Allemagne, ils se lèvent plus tôt. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils commencent à travailler la plupart vers 7h30-8h. Hein, et que les enfants ne vont pas obligatoirement toute la journée. Hein. En Italie, de mon temps, on n'avait que la matinée pour l'école. Le reste. Hein. Mais disons que les cadres sociaux n'étaient pas les mêmes. Les niveaux familiaux n'étaient pas les mêmes. Ils n'ont pas cassé seulement l'éducation, ils ont cassé pas mal de choses pour casser l'éducation. Et le but de toute cette opération, c'est évidemment de dénaturer, d'isoler, d'avoir en face de soi des gens qui en arrivent, comme en Amérique, les ports d'armes. On peut dire que les Américains n'ont pas d'horaire, mais les Américains n'ont pas de date de mort non plus. Hein? Vous pouvez prévoir ce que vous voulez. Mais n'importe qui peut vous descendre là, là-bas. Hein? Donc, attention. Hein? Voilà, est-ce que je vous ai répondu? Hein? Ouais. Bon, les vacances, effectivement, d'été, pourquoi pas? Un mois de vacances en famille, formidable, c'est le droit, mais ça ne casse pas les rythmes. Hein? Ayons le rythme de la respiration. Parce que celui-là aussi, la vitesse les casse. Bon, merci beaucoup. Hein?